temps effectivement très, très étiré, temps prolongé, le temps ralenti. Pour étirer le temps, il faut le ralentir. Et c'est sans doute ce qui permet de mieux saisir ce qu'il contient dans le présent. En fait, la grande vérité du temps, je crois, est celle de s'inscrire aussi totalement que possible dans le présent. Et la meilleure façon de bien pénétrer le présent, c'est de s'y installer. Et forcément, une autre durée intérieure, à ce moment-là, s'établit, une durée qui est presque sans limite. Et en tentant de faire cela avec les sons, c'est un petit peu un artifice, parce que le son a son discours, son mode de déroulement temporel. Mais là, effectivement, je triche sans doute un peu en étirant les choses. En fait, une pièce ou une œuvre, quel que soit le nom que vous lui donniez, peut être une mesure, serait peut-être une seule mesure, mais une mesure, en l'occurrence, de 80 minutes, puisque c'est la durée de Psy 847. Le refus de l'anecdotique, je crois que c'est très simple, ça ne m'amuse pas. L'anecdote ne m'amuse pas. Et en fait, je fais les choses pour mon plaisir.